sur la grève, les femmes pleurent sans trêve. Assises sur la grève, les femmes pleurent sans trêve. Dans ce bruit, ce vacarme, la clarté viendra de la fin. Avec la vie sans la mort, elle guidera la faune et la flore. Fond des vallées profondes, les flots tumultueux grondent, traînant tout sur leur passage, ne laissant que des ravages. Des sommets, à croire qu'ils le font exprès. J'ai le froid de l'hiver, à jamais les a recouverts. Assise sur la dans ce bruit, ce vacarme, la clarté viendra de la fin. Avec la vie sans la mort, elle guidera la faune et la flore. Pas eu d'homme, elle n'aurait pas croqué la pomme. L'avenir du genre humain ne peut être que féminin. Femme, c'est grâce à toi que la planète survivra. Femme, c'est grâce à toi.